aux filles d'avoir inventé la poudre, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs, en me laissant à la main un mal funeste, et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang, pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Les Louis Riel du dimanche. Les décapités de salon, les pendus de fin de semaine, les martyrs du café du coin, les révolus tavernes et les molsonutionnaires, mes frères, mes pareils, hableurs de fond de cour un jour, on en aura soupé de fer dans nos culottes. Debout sur les barricades, on tirera des tomates aux Anglais, des œufs pourris, des Lénines, avant d'avoir sur la gueule la décharge de plomb du serpent du bois, du Royal 22 à l'ange des rues Peel et Sainte-Catherine. C'est une chanson de tristesse et d'aveu, fausse et menteuse comme une femme, et pleureuse et tout au fond de vérité. Je m'en confesse à Dieu Tout-Puissant, mon pays, mon Québec, la chanson n'est pas vraie. Mais si la colère, si, au nom du pays, de la terre, et des saints de Pélagie, Gérard Godin, les Cantouques, avec leur petit chapeau ridicule et leurs pantalons toujours trop grands, dans leur monde ils déambulent, ils nous font rire en trébuchant, ils ont souvent l'air malhabile, c'est parce qu'ils portent sur leur dos les petits côtés difficiles de nos vies, et comme c'est beau de les voir faire les idiots pour nous faire oublier nos maux et nous faire rire de bon cœur avec un rien, avec une fleur. Les comiques, ces beaux prisonniers de nos rires, ces marchands de joie, de sourire, sont des soleils passés trop vite dans nos vies. Avec leurs petites culbutes, avec leurs grands yeux de chien battu, la maladresse a l'air facile, faut les voir ces hurluberlus, ils ont l'air malhabiles, c'est qu'ils en font un numéro de nos malheurs, de nos malaises, de nos vies, et comme c'est grand de les voir jouer les perdants pour nous faire croire qu'on est gagnant et nous inventer du bonheur avec un rien, avec une fleur, avec leur petite grimace de stupide et leurs grands pieds toujours dans les plats. On dirait qu'ils ont la tête vide et les mains pleines d'embarras. Mais sous leurs allures maladroites, on reconnaît tous nos faux pas et toutes ces caricatures, c'est nos vies comme ils sont forts. Après la vie, après la mort, de nous faire rire et rire encore, quelques moments de bonheur, avec des riens, avec des fleurs. Les comiques, ces beaux prisonniers de nos rires, ces marchands de joie, de sourire, sont des soleils passés trop vite dans nos vies. Ces bons prisonniers de nos rires, ces marchands de joie, de sourire, sont des soleils passés trop vite dans nos vies. Moment d'émotion tout le temps à l'émission. Mais ce soir, encore plus que d'habitude, puisque ça sent la trace ultime de la finalité Oui, non. Nous ne sommes pas infinis. Dieu merci, parce que l'infini est long. Comme disait Woody Baden, surtout vers la fin, on cherche la sortie. Où est la sortie, madame? C'est excitant, là, c'est écrit exit. Non, c'est pas exit, c'est exit. X, je veux rien savoir des X. X, X, petite baby doll, comme tu dansais bien le rock and roll. X, tout tu sais dans le fol. Où sont venues toutes tes idoles? Bon. Où sont les shadows, les bottes, des doses, des animaux, des mots, des blues? C'est quoi ça? Ça, c'est du Gene Birkin, rock'n'roll, attitude psychédélique. Et pis si c'était ça, ce serait merveilleux, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Mais on veut rien faire. Surtout, on tente de ne rien faire. On se demande pourquoi le son est aussi fort. Êtes-vous fort, monsieur? Si on baisse votre son, c'est notre son, votre alarme, montons son, nos voleurs, c'est bon? M'entendez-vous? Êtes-vous là? OK. Cherchez-vous à décapiter votre prochain, vous, là. Ça, c'est facile. Comment décapiter son prochain? C'est premièrement de le localiser. Savoir où il est. Oui, c'est qui le prochain? Moi, regarde mon prochain, c'est quand je vais à l'église, c'est le temps de l'hostie. J'attends l'hostie, moi, là. Je suis patient. C'est le seul moment où je mange gratis. Le curé dit, ah ouais, c'est la meilleure. Comment ça, c'est de la basse gamme, il mange plus à sa faim, ce Christ-là, pour avoir un goût aussi piteux. Hey, là, le curé arrive devant nous autres, hey, mes pêcheurs, vous êtes des pêcheurs, là. Brochets, bande de brochets de pêcheurs, de cantaloupes, de, comment ils s'appellent, les poissons au lait, là, les renades, là, les yeah! Tu fais ça, c'est quoi, c'est des yas? Ça veut pas mourir. Tu frappes ça. Point. Ça veut pas mourir. C'est un poisson qui ne veut pas mourir. Pas un brochet, c'est quoi? Et c'est la raison de l'assommer. Et si tu veux un jour le manger, c'est un poisson, c'est laid. C'est pas une carpe, c'est une carpette. Une crazy carpet. Crazy carpet. Vous mettez ça sur la neige, là, c'est un poisson qui sautille. Vous embarquez là-dessus, là, puis avec la queue, ça s'en va partout. Quoique j'ai mon beau-frère qui, avec sa queue, il s'en va partout. Il y a 3 femmes, 18 enfants, puis il se demande comment ça, ça coûte aussi cher de vie. Excusez-moi, je voulais pas m'emporter ce soir, Madame Timoto, mais là, il y a des affaires qui m'arrivent dans ma vie, là. Puis je voulais surtout pas que ça se produise à cet âge-là. Mais c'est comme l'autre, là, lui, l'insignifiant, il se reproduit n'importe comment, tout croche n'importe comment, je sais pas, hein. Ah, il est dans une prairie, puis des enfants jouent dans la prairie. Hé, hey, c'est pas comme ça, là, wow! Du respect, l'amour, faut faire l'amour d'une manière adéquate, presque solennelle. Faites la belle chose devant l'enfant qui viendra jusqu'à vous pour l'élever un jour, peut-être en faire un premier ministre ou encore pire, un curé. Le monde entier, d'entier, oh non. Allô, madame, ah non, faut que je l'appelle, elle est là, là. Oui, non, il est tard un peu. Madame, allô, madame? Allô? Oui, il est tard un peu. Oui, il est tard un peu, hein? Il est tard un peu, mais c'est que... Bon. Allô? Oui, vous m'avez appelé avant-hier, hein? C'était pour refaire ma prothèse? Bon. Mais est-ce que je peux vous raconter un peu l'anecdote savoureuse? Bon. Il est un petit peu tard, hein? Minuit 17. Êtes-vous seul? Êtes-vous certaine? Il me semble qu'il se passe quelque chose à ce soir. Oh, c'est ça sur une vidéo? C'est sur un site Internet? Est-ce que je peux aller le voir, le site Internet? Ah, oh, mais voyons donc, vous là, là! Oh, laissez-moi le, juste dans l'oreillette. Fait, pitonne. Comment c'est? xhamster.com. Vous êtes sur CIM? Hein? Vous êtes sur xhamster? Ah, oh, mais voyons donc, à quelle formule 17? Mal. OK. Arrache-moi ça. Sur le site, arrache-moi ça. Oh mon Dieu. Hey, mais moi, je suis pas pour me faire arracher, hein? Vous aimeriez ça, me l'arracher, hein? Ah, oh, mais j'ai plus de dents. J'ai non, ni en haut ni en bas, moi là. Je suis comme le peuple québécois, je suis édenté, je mords plus, moi là. Ah, oh, je manifeste plus. Je crois plus en rien. Mon Québec est parti. Il est parti sur le Québec Air, même si ça n'existe même plus. Mais est-ce que je peux avoir des dents avec la forme de fleur d'Élysée? Élysée, oh Élysée, dans la beauté cachine de ta finie la chance. Élysée, tu as le blue jean, c'est moi en jupon, et moi je suis en jupon. Élysée, tu trouves bien mon nom. Les dents, Élysée, feuille de lys, très lisse. Et j'aimerais aussi que lorsque je rencontre enfin ma concubine, et qu'elle passe sa langue sur mes dents, sente un peu le relief du Québec. Est-ce que c'est possible? Puis en bas, là, une genre de statue miniature. Là, c'est comme de la sculpture. Êtes-vous bonne en sculpture? Faire René Lévesque, tu sais, ma blonde m'embrasse, me lèche, puis en bas, on dirait que c'est René Lévesque. Mon Dieu, J'ai jamais été aussi heureux d'être Québécois. Hey, ça, on peut-tu faire ça de même? C'est pas cher, j'espère. Mais moi, j'ai ma carte d'assurance du Québec. Hein? Je suis membre du PQ. Je m'en confesse. Membre de toutes les confédérations et les fédérations et les cons qui sont pour la libération du Québec. Je suis membre de tout ça, moi, là. Et puis même en haut, ils m'ont... Attendez, madame, êtes-vous là? Vous êtes surexcité, hein? Je sais, c'est surexcité. Même en haut, là. Tu sais, les gens se disent, oh, ben, les extraterrestres, hein, les martiens, les saturniens, les moins que rien, les ariens, les bons rien. J'aurais du bien du don Dieu, fermer ma grande bouche, mais à ces gens-là, là, croient au Québec, visent le Québec, regardent le Québec. Là, ils vont dire, oh, mais non, il y a la Chine! Hein, il y a l'Australie, il y a les États-Unis. Oui, mais il y a le Québec! Quand tu regardes d'en haut, dans ta soucoupe volante, tu vois le Québec, tu vas arriver ici! Ça se passe en français! Il y a du monde vivant! Il y a du monde heureux d'être ici! Il y a de la bonne musique! Il y a Vallière! Non, ça c'est une fausse... Il y a Richard Desjardins! Valia, non, enlève ta valière, mon amour. Enlève ta. Non, pas ta brassière, ta valière. Ah, mon. Ah, non, ben, moi, regarde, là, les chansons, là. Vincent Valière. Mon oncle Serge, mon oncle Serge, Pépé. Et Pépé, et sa moto, Pépé, sa moto. Il y a les chansons des rigodons. 12 mois par année, 365 jours par année, on swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, on roule ses pitounes, on fume plus de joint. On est tout à fait libre de réflexion puisqu'on s'est libéré de toute drogue. Il n'y en a plus de drogue au Québec. Il y a du café. Il y a de l'eau. Polluer, ça pollue. Hello, pollue. Poilu, c'est poilu, ça, là. Hey, moi, je suis en train de boire 3-4 verres. J'en crache 3-4, mon Seigneur. Excusez-moi. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et budiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone des rances rétatiennes. Si je pleure, c'est que je crois que l'ascenseur est bloqué. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. Tring! C'est moi ça. Oui, allô? Monsieur Trink? C'est Monsieur Drink. Deux glaces, pas de sucre. Un double botch. C'est vrai, on fume plus de botch. Je veux plus de botch. En plus, mais ma femme a botché le dernier. Là, regarde-moi ça, c'est devenu un prisonnier. Puis sa chanson préférée, là, c'est « Les portes du fini d'enfuir ». Puis, ah ouais, donc, bientôt, vont se refermer. Et un jour, je serai cet animal qui ne sera que son seul envie. Et ce jour, à quoi bon faire cette émission si on ne se sentra pas? On s'en sortira pas. On s'en sortira jamais. Madame, non, attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux entités qui vous enverront des messages d'amour et d'espérance. Aimez-vous quand même, aimez-vous malgré l'amour. Aimez-vous quand même, aimez-vous jour après jour. Aimez-vous dans l'ombre, aimez-vous et par milliers. Quelques jours qui sombrent avec moi, ça fait pitié. Tu m'aimes, je t'aime, il s'aime. Nous vous aimons, vous nous aimez. Aimez, aime donc. L'absurde aventure de l'errance. Mais j'ai un professeur à l'école quand j'étais petit. Je récitais pas, moi, La cigale et la fourmi. Je l'avais lu 2-3 fois, mais je la disais à ma façon. Le professeur trouvait ça extraordinaire. J'avais des notes merveilleuses. Jean de La Fontaine, là, c'est de la merde à côté de vous, Monsieur Gagné. Là, vous êtes quoi? Vous êtes le nouveau Baudelaire. J'avais peur, moi, là. Il dit, c'est la veille pour lui. C'est la veille de partir. C'est la veille de vomir sa dernière mission. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinéraire engagé. Rénald Le Néant Gagné, qui commence à être un petit peu fatigué de se dire que nous ne sommes toujours pas l'entité que nous devrions, que nous devrions, que nous devrions, que nous devrions, que nous devrions, que aujourd'hui, le vendredi 24 octobre 2014, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de mon amie Nilda Fernandez, née en octobre en Espagne, à Barcelone, de son véritable nom Daniel Fernandez. Nilda Fernandez est un chanteur et auteur-compositeur franco-espagnol dont la réputation se résume en une voix androgyne, un talent de guitariste d'exception et des textes exceptionnels. En juillet 2014, Errance Rénaldienne était là pour le rencontrer. La preuve. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Tenant d'une main ta petite glace ronde, tu glisses ton front enfantin. Et de l'air le plus sérieux du monde, tu dessines en un tour de main un œil de biche. Oh ma biche, lorsque tu souris Je te laisse, je pense que...

toi la terre n'est ta personne. Je retourne au silence, je reprends le chemin pour dire la ressemblance de tous les êtres humains. Il nous comme la vida, il nous comme la muerte, il nous comme el día, il nous comme la noche. Smooth it nicely. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldine, c'est l'émission. Qui? Errance Reynaldine? Non, Reynaldine. Reynaldine. D-I-E-2-N-E, pas de S. Errance, une errance Reynaldine. C'est un personnage qui se transporte et qui se catapulte en plusieurs sons, en plusieurs symphonies, en plusieurs octaves, en plusieurs tout. Hey, vous ressemblez à Elvis, vous, hein? Merci, madame. Vous êtes adorable. Je vous embrasse. Hey, vous ressemblez à Elvis, vous, hein? Merci. Une troisième fois, là, je trouverais ça exagéré, mais vous êtes adorable. Je vous aime. Je vous embrasse. Moi, j'aime tout le monde que j'embrasse. Si j'embrasse pas, moi, j'aime pas. J'ai déjà embrassé la tour de Fli, de Pli, de Schlies, de Schli, de Mnise, de Schli, de Schli, de Schli. Ah ouais, non, non, les noms, nothing, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldine, c'est l'émission la plus absurde à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Cette semaine, et ce, jusqu'à ici, j'ai sonné ma chaîne, la reine Anna Hein, Tommy Hun, mais Hanna Haye. Amarane, Anachide, à la mana, Belichin, à Tonerai. Nommé Chanare, Amai, à la chenille, Mirana Chanarai. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, oh, ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure. Hein, qui? Moi, je disais que l'embouchure, mon petit champion de la vie, c'est une éclaircie entre deux percées de nuages. Là, tu vas me dire, ouais, mais les nuages, il n'y a pas de percée. Quoique, as-tu déjà visité Percée, mon petit? Je sais que tu as déjà pété des ballons, mais ça, c'est Percée des ballons. Mais Percée, Percée, Percée, persécuté par la vie, un jour, tu comprendras que tout est machination. Que Mme Gendron t'aimait pas. Non, elle t'aimait pas, mais elle aimait surtout que tu lui fasses ses commissions, ses achats, ses petits achats, son steak à chier, en chimègue. Elle avait pas assez d'argent, tu payais le reste. Puis elle disait, ah, oh, t'es un bon petit gars. T'es pas un bon petit gars, t'es une espèce de colporteur. Même pas le comportant, t'es un colonisé, un vrai colonisé. Puis elle riait de toi, elle, c'est une ontarienne, là, hein? Les deux solitudes, le haut puis le bas, là. Toi, t'étais nulle part là-dedans. Bon, là, c'est terminé, je vais pas me fâcher. Non, mais c'est pas bon pour mon artère sourcilière. Mais j'ai boxé avec les mots hier, là. Parce que moi, je suis une poétesse. Une poétesse. Test. Test 1, 2, 1, 2. Test 1, 2. Poétesse. Test 1, 2. Angle. Afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe, mais c'est surtout un nom de personne qui s'appelle. À l'endroit. Rosie Ocha. R-O-S-I-E, espace O, apostrophe, S-H-E-A. C'est une chanteuse que j'ai entendue il y a plusieurs années Et, étrangement, j'ai perdu la route. Je ne sais plus où elle est. Que se passe-t-il là-dedans? C'est une supercherie. Là, on m'a dit, ben non, hey, regarde, Rosie a été enlevée. Enlevée? Enlevée par des... Par des dominos! Pas les gens masqués en scooter électrique 500 watts! C'est pas des watts, ça, là, ça va pas vite. Pourquoi tu l'as pas retenu 32 km/h si tu veux pas retenir ça? T'es un quoi, toi? Non, elle voulait partir. Elle voulait partir. Elle voulait changer sa vie. Elle voulait changer sa vie. Elle avait un enfant. Elle avait, oui, oui, oui. Et puis, ben, ça a mal tourné. Pour l'enfant? Non, pour son mari. Elle était mariée. Ben, elle voulait se marier. Elle était pas mariée? Ben non, mais elle voulait. Elle voulait. Elle veut, allez-vous me lâcher? Ben, est-ce qu'on peut l'entendre? Ben oui, oui. Ce serait peut-être mieux de l'entendre, oui. C'est une voix qui n'est plus, mais... qui a indiqué à un moment donné. Et la voilà. Mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est dans la courte échelle, celle qui m'amène souvent des vibrations. Celle-là, peut-être. Peut-être.

c'est en côtoyant les autres aussi, tu dis, ah ben là, je veux pas devenir comme lui, je veux pas devenir comme ça. Donc, et oui. Ben, t'as des exemples. Oui, t'as des exemples, tu les vois, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont, mes collègues là? Wapitam, pam, papoué. T'es pam, pam, pam, pam, papoué. Wapitam, pam, papoué. T'es pam, pam, pam, pam, papoué. Je porte à l'auriculaire une chevalière 1.4 carats, large comme ma face. On dit que je prends des airs, je fais des manières, mais quand je donne ma main, tu l'embrasses. Quand mes fesses plissées s'enfoncent dans le cuir, mon pouvoir est bien en place et je lâche pour moi-même un sourire. Aussi loin que me ramènent mes souvenirs sur terre, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Un affranchi, c'est tout réfléchi. Et je remercie Martin Scorsese et Joe Pesci. Nous célébrons toute votre classe éternelle lors de nos joutes au petit vin blanc sous les tonnelles. Wapitam, pam. Sont strictes et chacune a son territoire de jeu. Inutile pour un chanteur à fond de noisilles secs de vouloir faire la nique aux voix surpuissantes du Québec. Un jour un frimeur de Passy se mit à faire du ragga dub style. Des gars de Saint-Denis sont venus chez lui et l'ont criblé de balles vocales. Inutile de jouer l'imposture, les faux Django se prennent des cartouches de riff manouche à coup sûr. Godfather 1, 2, 3. Jamais vu de vrai gun ailleurs qu'au cinéma, au casino, en costard mauve, un freak dans la mafia, philosophie de Sicile. Omerta, mes amis, mon clan, mes frères, mes Goodfellas, nos guitares sont des famas et nos basses font trembler les bougnards quand dans les brumes du quartier latin. On entend se friter les petits chanteurs du quotidien. Je porte sous mon suaire un complet gris clair et les fils de soie recouvrent ma carcasse. Avoir l'art et la manière de quitter la terre, pleurer par la maman et toucher par la grâce. Et mon âme libérée retourne dans la lune. Les étoiles ont trop la classe et je restitue mon corps sans rancune. Aussi loin que me mène mon chemin dans l'univers, transporté par des airs de gangster de la chanson française d'après-guerre. Johanna est aussi grosse qu'un éléphant. C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans. Et pourtant... de la Louisiane, quand elle suit un régime, c'est un régime de bananes. Et pourtant Johanna, Johanna, Johanna. danse, elle saute, elle tourne et s'envole. Pour les tabourets, elle en consomme deux ou trois dans la soirée. Et pourtant, Johanna, Johanna, Johanna, tu sais danser léger, léger. Johanna, Johanna, Johanna, tu sais danser léger, léger. Allez, fais ta valise, tu peux remballer tes chiffons. Fais ta valise, va, je vais écrire d'autres chansons. Allez, fais ta valise, ne crois pas que j'ai pas de peine. Allez, fais ta valise, on ne peut pas toujours chanter pour le même sourire. On ne peut pas toujours pleurer. Je n'ai de souvenir que de t'avoir fait de la peine. Allez, fais ta valise et puis va-t'en. Fais ta valise, dis, derrière nous, la vie et le temps ont refermé l'église. On ne devrait jamais dire je t'aime. Pleure pas, je t'en supplie, j'en pleurerai bien plus que toi. Les mots que je t'ai dit, on ne les dit jamais deux fois. On croit qu'on les oublie, mais on meurt chaque fois quand même. Allez, fais ta valise, tu ne vas pas mourir à 20 ans. Quoi que l'on fasse ou dise, le temps sera toujours le temps des cerises. À chaque saison est le même. Allez, fais ta valise, j'y ai jeté mon cœur d'enfant comme la tour de Pise. Notre amour a vécu son temps, il n'y a plus d'église. On ne devrait jamais dire je t'aime. Allez, fais ta valise. Allez, fais ta valise et puis va-t'en. Allez, fais ta valise, allez, fais ta valise et puis va-t'en. Allez, fais ta valise, allez, fais ta valise, allez, fais ta valise et puis va-t'en. Et tandis qu'il cherchait un campanile que jamais il ne trouva, Jack le manager rencontra Nick le coq dans la fosse à Purin d'un camping municipal à la ferme, dans les Alpes. À le voir ainsi tremper ses petites pattes et son bec de volaille frénétique dans la vase, à l'affût de quelques victuailles laissées là par mégarde par des poules surfriquées, Jack se dit qu'il avait affaire au coq de combat le plus malheureux que la terre ait jamais porté. Mais il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. J'aime ton style un peu pouilleux, ton regard plein d'aigreur. Si tu veux, je peux devenir ton chicken manager. C'est pas du catch, du sinoche, c'est du fight à la dure. Et la devise, pas de pitié, ta meilleure armure. Les coups bas sont conseillés et ton honneur, tu le ranges. Tu, l'obsession qui te ronge. Pas un stratagème qui dit, aime ton ennemi. Je veux lire de la haine dans tes yeux jaunis. Le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant,